Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast de Madame Berman. Ceci est un podcast pour le français 3. Notre première activité est une dictée culturelle. J'ai décidé de résumer quelques-unes des grandes idées que nous avons discutées en classe sur le commerce et la consommation. Alors, à vos stylos et soyez prêts à écrire. Get your pens out and be ready to write. Here are some of the major ideas we discussed in class in our first chapter. Numéro 1. La zone euro comprend aujourd'hui 15 pays. Je répète. La zone euro aujourd'hui comprend 15 pays. Deux. Les Français font leurs courses à Carrefour. Les Français font leurs courses à Carrefour depuis 1963. Virgule, that means comma. Date où Carrefour ouvre ses portes. That's a very long sentence. Let me repeat it one more time. The whole thing. Les Français font leurs courses à Carrefour depuis 1963, virgule, date où Carrefour ouvre ses portes. Sentence number three. Aujourd'hui, les Français font de plus en plus leurs courses dans les hypermarchés, supermarchés, grands magasins et en ligne. Je répète. Aujourd'hui, les Français font de plus en plus leurs courses dans les hypermarchés, supermarchés, grands magasins et en ligne. Sentence number four. Les grands magasins comme Le Bon Marché et les Galeries Lafayette. Les grands magasins comme Le Bon Marché et les Galeries Lafayette ouvrent leurs portes au milieu du 19e siècle. Je répète toute la phrase. Les grands magasins comme Le Bon Marché et les Galeries Lafayette ouvrent leurs portes au milieu du 19e siècle. And finally, our last sentence for this dictation, this cultural dictation. Les petits commerces connaissent des difficultés. et doivent se battre pour survivre. Je répète, les petits commerces connaissent des difficultés et doivent se battre pour survivre. Well, we'll look at the text in class and see how you did on that first dictation that has as a topic the cultural content of our chapter 1. Merci et à bientôt. Au revoir.